Délivre-moi, je suis enchaîné. Délivre-moi, ne me tiens plus prisonnier. Ma vie se tient à l'ombre de tes joues. Je ne suis plus qu'un mendiant d'amour. Délivre-moi, tu ne m'aimes pas. Délivre-moi, à quoi bon t'aimer? Délivre-moi, pourquoi tant de cruauté? Quand tu me jettes quelques sous d'espoir, mon cœur aveugle fait semblant d'y croire. Délivre-moi, tu ne m'aimes pas. Pourquoi prends-tu le temps d'écouter mes chansons? Parle-moi durement, ferme-moi ta maison. Délivre-moi de ce pauvre amour. Délivre-moi de cet amour sans retour. Depuis longtemps je n'ai plus d'espérance, pourtant j'attends une dernière chance. Oh, délivre-moi, tu ne m'aimes pas. Je ne comprends pas bien ce que tu veux de moi. Et si tu ne veux rien, je t'en prie, dis-le moi. Oh, délivre-moi, je suis enchaîné. Délivre-moi, ne me tiens plus prisonnier. Je n'en peux plus de mourir chaque soir. Je n'en peux plus d'espérer sans espoir. Oh, délivre-moi, tu ne m'aimes pas. Délivre-moi.